Ah oui, ça sonne bien, ça. Ou des vacances au soleil. Ah, oh, ça sonne plutôt pas mal non plus. Et si je m'offrais les deux? C'est possible. Jusqu'au 15 août, le Samsung Galaxy J5 est à seulement 29€ avec Dauphin 25 smartphone dans votre shop Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Vous êtes en vacances à l'étranger, vous avez dû faire 3 librairies pour trouver un journal en français, et il date de la semaine passée. C'est le moment de découvrir Le Soir Plus, la plateforme numérique des abonnés du soir. Vous y trouverez votre journal du jour à tout moment et n'importe où, mais également nos dossiers thématiques, nos archives et la sélection de la rédaction. Activez maintenant votre mois d'essai gratuit sur lesoirplus.be. Il rencontre le roi et le chef du gouvernement sortant. Et puis en vide dépaysement, vous pouvez encore partir pour le pays des contes. Aujourd'hui, le festival des contes de Chigny se poursuit tous dimanche, c'est en Gaume. Bienvenue à tous dans ce journal. Ce n'est pas la Belgique qui joue, c'est la France contre le Portugal. Mais vous jetterez certainement un œil ce soir sur la finale de l'Euro. Un mois, jour pour jour, après le match d'ouverture, l'Euro s'achève sur la finale Portugal-France au Stade de France. Sur papier, les Bleus partent favoris. Ils n'ont jamais perdu sur ce match-là. Un match à suivre à partir de 21h, donc sur tous les médias de l'RTBF. Et Didier Deschamps, le coach des Bleus, n'est pas stressé, selon ses dires, mais la police un peu plus. Un dispositif de sécurité XXL est prévu dans Paris ce soir. 3400 policiers et gendarmes sont mobilisés au Stade de France, dans la fan zone de Paris et aussi dans les transports en commun. Les bars et cafés installés aux abords du Stade de France ont reçu l'instruction de ne pas installer de terrasse. Et puis il n'y aura pas de défilé demain sur l'avenue des Champs-Élysées, même en cas de victoire des Bleus. Ça avait été le cas en 1998, mais avec la menace terroriste, les temps ont bien changé. Et le match de ce soir aura un goût particulier pour une famille touchée par les attentats. Le match se déroule, vous le savez, au Stade de France, la même où Manuel Diaz, franco-portugais, a perdu la vie. C'était lors des attentats de Paris le 13 novembre. Selon ses enfants, il aurait rêvé d'assister à cette finale Portugal-France à Nina Meus. Chauffeur de métier, Manuel Diaz, 63 ans, était d'origine portugaise et français dans l'âme. C'était aussi un monde ou alors pas spécialement, il y en a eu d'autres? Oh non, le plus de monde, le plus d'ambiance, c'est sûr, c'est chez les Diables. Les Français, évidemment, c'est beaucoup moins drôle. Quand il y avait les Diables, on a eu des trompettistes. Tout le monde était bien habillé façon Diable, 100% Diable, on va dire. On a aussi réalisé des hamburgers avec des couleurs de la Belgique. Donc on a mis le paquet. Le reportage d'Arnaud Pilet et Anne-Carole Severne. Cette question à présent, faut-il interdire l'usage du GSM pour les conducteurs de poids lourds? L'idée émane de Ben Waitz, ministre flamand de la mobilité. Damien Roulette, sur le fond comme sur la forme, cette idée est loin de plaire aux principaux intéressés. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Pour bloquer les ondes GSM, l'idée serait de coupler le GSM. Barack Obama en Espagne, il est arrivé à Madrid hier soir. Le président américain ne fera donc pas de tourisme à Séville et limitera sa visite à Madrid à la base militaire hispano-américaine de Rota, d'où il décollera ce soir pour les États-Unis. À Madrid, les précisions de Diane Cambon. C'est un voyage éclair et purement de travail que Barack Obama va effectuer en Espagne, où il se réunira avec son homologue, le chef du gouvernement intérimaire, le conservateur Mariano Rajoy. Alors qu'il devait se rendre à Séville pour visiter la ville en compagnie du roi Philippe VI et participer lundi à un débat avec des jeunes Espagnols, le président américain a réduit son agenda au strict minimum. Obama va donc se contenter de rencontrer cet après-midi les 3 leaders politiques de l'opposition. Le président américain a souhaité connaître tous les candidats qui se sont présentés à la présidence espagnole afin d'assurer les liens entre son pays et la péninsule ibérique. Ce sera une réunion brève à l'aéroport officiel de Torrejón, près de Madrid. De là, il s'envolera pour la base portuaire militaire de Rota, établie au sud du pays depuis 1953. Obama s'entretiendra avec les hauts militaires américains de la base, puis repartira. Les conteurs et bonimenteurs arpentent les rues de la cité gaumaise. Nicolas Lefebvre nous emmène au cœur de l'événement. Des contes drôles, des contes pour tous les goûts, mes amis. Dans la cité des contes, on se laisse guider par les bonimenteurs. Aux quatre coins de Chigny, les conteurs sont partout. Et mon grand-père qui vient du pays wallon disait « Tosquitum d'alcopet ni poukes bon ». Solène et Hélène revisitent par exemple à leur manière l'histoire du petit chaperon rouge. Et le loup avale le petit chaperon rouge en une seule bouchée. On se l'a approprié pour la raconter ici. On joue avec l'imprévu, donc forcément il y a toujours des choses qui surgissent. Des aventures rocambolesques aux histoires drôles, il n'y a qu'un pas et le public apprécie. l'étape, Milanov a décroché l'argent après le concours du lancer du disque. Et puis en tennis, la finale, messieurs, de Wimbledon aura lieu cet après-midi. Elle opposera Andy Murray à Milos Raonic. Hier, Serena Williams a remporté son 7e titre chez les dames aux dépens d'Angélique Kerber. La numéro 1 mondiale américaine égale les 22 sacres en grand chelem de Steffi Graf. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. Et c'est l'heure de retrouver Adrien Jovenot pour les Belges du bout du monde. En juillet chez Ego, jusqu'à 35% de remise sur votre nouvelle cuisine équipée sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. La première, 9h-10h, le dimanche, les Belges du bout du monde, avec Adrien Jovenot. Excellent dimanche sur la première, nous vous proposons aujourd'hui une nouvelle diffusion des Belges du bout du monde au Vietnam, chez Bernard Kervin, créateur de l'ONG Mekong Plus. Les Belges du bout du monde, sur la première. Bonjour à tous, les miracles, il ne faut pas les attendre, il faut les faire soi-même. C'est avec ce proverbe vietnamien, devise de l'ONG Mekong Plus, que nous entamons aujourd'hui la diffusion d'une galerie de portraits de Belges du bout du monde. Et ce dimanche, Fiona Collienne et Mariam Mallard. Mesdames, bonjour. Bonjour à tous. Fiona, si vous êtes là, alors que nous partons au Vietnam, ce n'est pas par hasard. Ah non, le Vietnam, j'ai eu la chance de découvrir ce pays il y a 3 ans, lors d'un long voyage en Asie du Sud-Est. Donc c'est un pays qui m'a beaucoup marqué. Sac au dos ? Oui, tout à fait, tout à fait. L'aventure. On va vivre ça avec vous d'ici 10 heures. Et avec Maria Mallard aussi, nous pointerons une initiative positive, génératrice de changement, comme toutes celles développées par Bernard Kervin. Ça va, Mariam ? Oui, ça va très bien. Vous avez vu un petit peu le portrait de Bernard ? Oui, oui, très, très passionnant. Bernard, qui est au Vietnam depuis une vingtaine d'années, il a créé l'ONG Mekong Plus, spécialisée entre autres dans la construction de vélos en bambou. Avant de présenter plus amplement notre Belge du bout du monde, Bernard Kervin, nous plantons le décor avec vous, Fiona Collienne. Le Vietnam, un pays à l'histoire tourmentée. Oui, effectivement, le Vietnam a dû pendant longtemps lutter contre la domination de puissances étrangères. Pour faire court, parce que c'est pas évident cet exercice, il y a eu la domination chinoise, la colonisation française, l'invasion japonaise, puis la division du pays en deux parties séparées par le fameux 17e parallèle, l'invasion américaine et puis enfin la réunification officielle en 1976. Et donc ce n'est que dans les années 80 que le Vietnam retrouve enfin la paix à la suite de 30 années de combats pour son indépendance. Alors, le Vietnam aujourd'hui, en 2015, c'est un pays important en Asie du Sud-Est, pays de 90 millions d'habitants, un pays déterminé qui n'a pas tout à fait fini de se défendre à une autre échelle. Aujourd'hui, il est quand même relativement en conflit avec son grand voisin du Nord, la Chine, sur certaines questions, notamment territoriales au sujet de la mer de Chine méridionale. Et à propos de territoire, le Vietnam, c'est aussi une forme géographique très particulière. Ben oui, il suffit de regarder une carte du monde et c'est là que commence un petit jeu rigolo. À quoi vous fait penser le Vietnam ? Certains voient dans sa forme la lettre S, d'autres un dragon, d'autres encore une tige de bambou avec un panier de riz à chaque extrémité. Regardez, c'est vrai qu'on peut voir ça. C'est en tout cas un pays tout en longueur. D'un bout à l'autre, il y a environ 1600 km à vol d'oiseau. Hanoï, au nord, Ho Chi Minh-ville, au sud. Le Vietnam est couvert aux trois quarts de montagnes et de collines, mais il y a aussi un beau et long littoral avec des vues à couper le souffle quand on a la chance de s'y promener. Alors le Vietnam, il faut le dire, c'est quand même grand comme 10 fois la Belgique et le pays a des frontières avec le Laos, la Chine et le Cambodge. Et nous allons nous promener ce matin au Vietnam avec notre Belge du bout du monde, Bernard Kervin, plutôt dans le Vietnam rural, car il est basé dans le sud du pays, à 200 km d'Ho Chi Minh-ville. Bien, ici, nous sommes dans le district de Thanh Linh, qui est un district rural, en fait, au pied des hauts plateaux. C'est la fin de la plaine dans le sud du Vietnam, un district tout à fait rural, et relativement pauvre, grosso modo, les revenus sont la moitié de la moyenne nationale. Vous êtes au Vietnam depuis une paire de décennies. Mais je m'y trouve très très bien, ça fait 21 ans que je suis là, et je pense que je vais y finir mes jours, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. Alors on doit un petit peu raconter votre histoire, vous êtes un Belge né en Flandre, des études où ça? À Louvain ou à Leuven? À Louvain, mais à l'UCL, mais à Leuven. C'est la dernière promotion francophone à Leuven. Voilà. Et puis après, je suis parti au Bangladesh pour une association belge, Frères des Hommes. J'ai beaucoup aimé Frères des Hommes, j'ai beaucoup aimé le Bangladesh, j'y suis resté 9 ans. Nourri à la littérature, à l'utopie aussi de René Dumont. J'avais 17 ans, je suis tombé sur un livre de René Dumont et ça m'a vraiment bouleversé. Il racontait son voyage en Inde et la grande pauvreté qu'il avait vue là. Et je me suis dit vraiment, si la vie a un sens, bien il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça et tourner la tête. Dès les études terminées, bien voilà, j'ai pu réaliser mon rêve en quelque sorte, partir au Bangladesh et je m'y suis beaucoup amusé. Je crois que c'est une passion en fait, c'est pas du tout un sacrifice. On dit souvent on donne beaucoup mais on reçoit infiniment plus et dans mon cas c'est tout à fait vrai. Alors c'est marrant parce que vous avez fait des études plutôt dans le domaine du business. Mais oui, mais en fait pour moi la solidarité, l'efficacité, le rendement, les avantages comparatifs, toutes ces sont des notions absolument essentielles. Je dirais même plus dans le domaine du développement que dans le domaine du business. Parce que je dis toujours, mais pour nous, réussir, c'est tellement plus important. On ne parle pas d'argent, on parle d'envoyer des enfants à l'école, on parle d'avoir des gens en bonne santé, etc. C'est tellement plus important que de gagner quelques dollars de plus. Donc vous êtes finalement entrepreneur social. Absolument. Moi, c'est comme ça que je le vois. On a créé, avec mes complices, on a créé comme une petite entreprise qui fait du développement, qui suscite des solidarités, qui essaie de rendre la vie meilleure, surtout pour les plus pauvres. Et vraiment, je veux appliquer les leçons de bonne gestion à mes complices. Le Vietnam, un pays qui revient de loin, un pays magnifique aussi. Hein, on le verra tout à l'heure dans l'émission télé les Belges du bout du monde. Surtout à cette période, novembre-décembre, c'est la fin de la saison des pluies. Tout est vert, la nature est magnifique. Alors c'est un pays qui a bien rebondi après la guerre. Hein, un pays très patriote, qui veut toujours essayer de se développer par ses propres moyens d'abord. On l'entend derrière nous, ça grouille. Il y a plein de motos, des mobilettes. Il reste quelques vélos encore, quand même. Oui, mais c'est un pays de plus de 90 millions d'habitants. Hein, il ne faut pas l'oublier. Donc, presque 10 fois la Belgique. Et donc, probablement autant de mobilettes. Hein. Il y a souvent, dans une famille, il y a autant de mobilettes que de personnes. Et c'est vrai, malheureusement, très, très peu de vélos. Alors, vous faites remonter un peu la moyenne nationale parce que non seulement vous faites du vélo, mais en plus, Bernard, vous en construisez dans un matériau un peu spécial, étonnant pour une bicyclette. Eh bien, le Vietnam est aussi le pays du bambou. Hein. Il se trouve qu'au Vietnam, il y a un bambou extrêmement solide, hein, qu'on appelle le tam vong, aussi le bambou, le style bambou, le bambou d'acier. Et donc dans les collines qui nous entourent, que l'on voit d'ici, en fait, il en pousse beaucoup, énormément. Donc c'est vraiment l'endroit idéal pour faire des vélos en bambou. Et en fait, au début, c'était assez curieux parce que les Vietnamiens me prenaient vraiment pour un fou et ne voulaient pas croire que le bambou allait être solide. Et donc je leur ai dit, eh ben voilà, un cadre de vélo, vous pouvez le casser. Ils étaient incrédules, ils n'osaient pas taper dessus. Et puis progressivement, ils utilisaient un marteau, puis une masse, et puis de plus en plus fort et de plus en plus lourd, et le bambou ne cassait jamais. Donc c'était une expérience assez forte. Au début, j'étais le seul à faire du vélo au bambou. Maintenant, dans nos équipes, on a une quinzaine de personnes qui ont payé de leur poche l'achat d'un vélo bambou parce qu'ils trouvent que c'est vraiment un très très bel objet. Aussi un objet qui est de solidarité parce que ça nous permet de créer des emplois. Chaque vélo en bambou donne de l'emploi pendant une semaine et demie à peu près à un artisan. Donc ça, c'est très important. On n'allait pas passer à côté, évidemment, de bambou. Alain Chamfort, Fiona Collienne, vous avez vu ces vélos en bambou? Eh bien oui, incroyable, mais c'est en voyant le reportage que je me suis souvenu effectivement de revoir ces vélos. Je ne savais pas qu'il y avait un Belge derrière tout ça. Oui, c'est une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire. Ouais, de recycler les bambous écologiquement aussi, c'est très cohérent. Comment vous êtes-vous déplacé lors de votre voyage au Vietnam? Alors nous, c'était surtout le bus pour les longs voyages, les longs tronçons. Et puis, dès qu'on était quelque part, c'était le scooter. Parce que vous l'entendez d'ailleurs dans ce reportage, on entend tout le temps le bruit du scooter derrière parce qu'il y en a absolument vraiment partout. C'est ça qui nous a surpris. On n'osait pas dans les villes, ça je vous le dis tout de suite, parce que c'était la folie furieuse et qu'on essaye déjà de savoir comment se déplacer à pied, tellement il y a des scooters qui viennent de tous les côtés. Ça faisait un peu peur, mais dans les plus petits villages, là, on y allait. Avez-vous vu le film Cyclo ? Non, je l'ai pas vu. Eh bien, je vous en propose un extrait. C'est la bande originale de ce film, tourné au Vietnam, signé Radiohead sur la première. Whatever you want, you're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong. Creep, tiré du film Cyclo, réalisé au Vietnam, comme notre émission Les Belges du bout du monde, ce matin jusqu'à 10h en radio sur la première, avec un gros plan sur Bernard Kervin, entrepreneur de développement et fondateur de l'ONG Mekong Plus. 9h-10h sur la première, Les Belges du bout du monde, avec Adrien Jovenot. Avant de continuer à arpenter le Vietnam dans la foulée de Bernard Kervin, penchons-nous sur sa situation économique et politique, ce petit dragon du sud-est asiatique, Fiona Collien. Alors, on va d'abord parler un petit peu politique. Le Vietnam est une république socialiste. Il y a un président de la République et un premier ministre, mais le premier personnage de l'État, en fait, c'est un autre homme. C'est le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam. Alors oui, le pays possède toujours un régime communiste avec un parti unique. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est cet homme, le chef du parti, qui n'est d'ailleurs pas démocratiquement élu, qui a récemment été reçu à la Maison-Blanche par le président américain Barack Obama. C'était il y a quelques jours à peine, une visite hautement symbolique. Il y a eu pas mal de photos qui ont été prises et ça a été très commenté quand on sait que le Vietnam et les États-Unis se sont battus pendant près de 20 ans. Eh bien, c'est lui, cet homme qui représente donc le parti qui a représenté le Vietnam à cette occasion et ça veut dire beaucoup de choses. Effectivement. Au niveau économique, on peut dire que le Vietnam revient de loin. Ça, c'est sûr, Adrien. L'économie vietnamienne a beaucoup souffert avec la guerre, l'embargo américain et puis aussi la bureaucratisation communiste. Mais depuis la fin des années 80, eh bien, le Vietnam a lancé des réformes qui ont amené le pays vers l'économie de marché, encourager les investissements étrangers. Le résultat est assez surprenant. On arrive au Vietnam à un capitalisme d'État ou un socialisme de marché, comme vous voulez. C'est un peu hybride. C'est donc un pays, et on le sent d'ailleurs quand on est sur place, qui combine régime communiste et économie de marché. On sent parce qu'il y a vraiment un côté commerçant. Moi, je l'ai beaucoup senti aussi dans mon voyage. On voit que ce sont des gens qui, aujourd'hui, même à petite échelle, dans l'économie informelle, font du business. Ah, sur les marchés, ça grouille aussi. Ça grouille. Alors, ça semble plutôt marcher. En tout cas, la croissance est là aujourd'hui. Et on voit l'émergence d'une classe moyenne qui consomme. Mais ça reste aussi un pays très agricole. 65% de la population travaille la terre. Le Vietnam est le 5e producteur mondial de riz et le 2e producteur mondial de café. Population très agricole, hein, vous le disiez. Bernard Kervin le confirme. On va aller sur le terrain avec lui, dans une petite ferme, l'occasion d'évoquer la situation économique de ces populations souvent précarisées. On dit le Vietnam s'est beaucoup développé, c'est un dragon, etc. Mais au Vietnam, les très très pauvres, ça fait tout de même 7-8 millions d'habitants. Et donc, il y a encore beaucoup beaucoup de travail à faire. Alors, Mekong Plus intervient d'abord et surtout pour faire un état des lieux. Quelles sont les grandes priorités? S'il y a des enfants, absolument les mettre à l'école ou les remettre à l'école. Et puis, voir ce que l'on peut faire au niveau... d'augmenter les revenus. Là, souvent, par exemple, ici, son petit élevage de poules. Donc, dans notre équipe, il y a des vétérinaires aux pieds nus que nous avons formés. et qui veille à ce que les poules soient en bonne santé, qu'elles s'en occupent convenablement. Elle demande à sa gamine là, de donner à manger aux poules. Elles sont toutes les deux pieds nus, ça faut voilà. Signaler. La maman, la toute petite fille, et pas loin, il y a le champ de manioc aussi derrière. Voilà, le champ de manioc. Une petite parcelle, en fait, juste en face de la maison, mais son vrai champ est loin dans la montagne. Et donc ça, c'est un risque pour les enfants, toujours. Hein, parce qu'elle va partir, loin, elle va partir très tôt le matin et revenir le soir, voire le lendemain. Ce sont souvent des familles monoparentales, et la plupart du temps, avec des femmes qui sont à la tête de la petite. La majorité, je dirais, les deux tiers de ces familles très très pauvres, sont peut-être très pauvres parce que le mari est parti, ou bien parce que le mari boit beaucoup, ou bien parce que le mari est handicapé, malade chronique, etc. Donc une grande partie de ces familles très pauvres sont en fait menées par des femmes. Ah, Cham. Ah, donc sa gamine s'appelle Cham. Donc, combien de mois? Oui, depuis 14 mois. 14 mois. Ok, Kamen. Kamen, c'est merci. Hein. Voilà, Kamen, elle répond comme cotise, de rien du tout. D'accord. Et bonjour, c'est très facile, c'est ciao. Xin ciao, xin ciao. Xin ciao, voilà. Xin ciao. C'est une chao. Vous avez gardé des notions de vietnamien, Fiona Collier? Juste ça. C'est tout, j'avoue. Vos endroits préférés, vos coups de cœur? Oh là là, c'est difficile ça comme question. En tout cas, j'ai passé beaucoup de temps à Hanoï et j'ai adoré. C'était mon première image du Vietnam en arrivant. Et ce côté grouillant, ce côté, j'ai adoré vraiment Hanoï pour m'y perdre. J'ai beaucoup aimé aussi la ville de Hoi An, qui est plus dans le centre du pays, pour son ambiance. C'est une petite ville qui est vraiment charmante, avec des maisons en bois qui ont été restaurées. On sent vraiment encore ces maisons avec ces structures en bois magnifiques. Et c'est aussi un endroit parfait pour aller se faire un costume, figurez-vous. C'est l'endroit où tout le monde va parce que c'est les tailleurs qui sont tous là. C'est deux endroits que j'ai beaucoup aimés. Se faire tailler un costard au Vietnam. Alors après ces beaux moments d'évasion, on va retourner chez Pete. À la tête d'une famille nombreuse, je dirais même une famille très nombreuse, Bernard Kervin. Eh bien, on est 10. 9 plus un enfant adopté encore. Donc, de nouveau, un signe de générosité, je trouve, parce que 9, c'était pas assez. Et c'était en tout cas pas une limite pour adopter un enfant qu'on considère tout à fait comme notre frère. Et vous-même, ici, au Vietnam, vous avez fondé une famille? Voilà, alors moi, j'ai 3 fils, donc ce qui est déjà une enfreinte à la loi vietnamienne, puisque la loi dit strictement 2 enfants et pas plus. Donc il a fallu que j'explique, et les Vietnamiens très incrédules, parce qu'il faut savoir qu'au Vietnam, le gouvernement veut limiter les naissances, c'est 2 enfants, et s'il y en a un troisième, eh bien, ça peut entraîner des pénalités. Et on m'a dit, mais l'avortement, évidemment. Il faut savoir qu'au Vietnam, il y a plus d'avortements que de naissances. Et donc René Dumont vous a tapé sur les doigts? Alors René Dumont, c'est un grand ami pour lequel j'ai le plus grand respect. Je pense qu'il a tout à fait raison de rappeler qu'il faut limiter et le faire en fonction de ses moyens. Donc bon, je considère avoir un peu enfreint la règle de René Dumont, mais j'adore mes enfants. Des enfants, il y en aura beaucoup dans l'émission télé tout à l'heure, tournée au Vietnam. Des enfants qui ont des étoiles dans les yeux. C'est incroyable. Ils se marrent tout le temps. Bah déjà, les Vietnamiens, on le voit aussi dans le reportage, rigolent beaucoup. Oui, les Vietnamiens, peu rancuniers, parce que tout ce qu'ils ont ramassé sur la tête, que ce soit la période de l'ex-Indochine ou bien après les conflits avec les Américains, quand on y retourne, on est accueilli à bras ouverts. Ouais. C'est surprenant. Oui, c'est surprenant. C'est vrai qu'on se dit... Waouh, ils ont une histoire tellement lourde. J'ai été surprise aussi d'entendre des personnes âgées me parler français. Naturellement, en nous entendant parler français, ils venaient vers nous et ils nous parlaient français, avec tout l'historique qu'on peut avoir derrière ça. Mais un accueil effectivement très très chaleureux. Alors vous le disiez tout à l'heure, le Vietnam, 5e producteur mondial de riz, premier exportateur de riz de la planète aussi. Et à côté des rizières, chaque paysan cultive souvent son lopin de terre. Explication sur le terrain avec notre Belge du bout du monde, Bernard Kervin. C'est clair, hein, faible investissement, petite surface, mais un rendement en cash du liquide presque tous les jours. On récolte un petit peu, on va au marché, on revient avec du riz, avec un poulet ou des choses comme ça. Donc là, on a amélioré la technique en fait avec un arrosage automatique diffusé qui permet d'économiser l'eau et d'économiser le travail. C'est-à-dire que monsieur, lui, peut travailler comme ouvrier agricole sur une autre ferme pendant que son potager est arrosé. Est-ce facile de travailler dans un régime communiste avec une administration assez... assez solide, assez présente. Il y a en fait des avantages et des inconvénients. Les inconvénients sont assez évidents, hein. Il n'y a pas vraiment de liberté. On doit demander la permission pour absolument tout. Si vous faites une formation aujourd'hui sur les potagers, il ne faut pas la faire demain. Parce qu'on a demandé pour aujourd'hui et ici. Et donc voilà, donc c'est une bureaucratie très très lourde, Tatiane. Mais l'avantage de ce régime, c'est qu'on a un partenaire très très fort, très, très structuré, organisé. Et que donc quand on arrive à se mettre d'accord sur les objectifs et la manière, c'est une vraie armée en marche, l'administration. Voilà un pays vraiment où il y a une volonté très très grande de la part de l'État de réduire la pauvreté et de redistribuer les richesses. On dit, enfin l'image qu'on utilise souvent, c'est quand l'eau monte, tous les bateaux montent avec. En fait, il y a beaucoup de pays où beaucoup de bateaux ne montent pas et les gens boivent la tasse. Mais non, au Vietnam, grosso modo, tout le monde en profite. C'est ce que vous avez ressenti sur place, Fiona Collienne ? Oui, effectivement, on sent ce côté toujours collectif. Alors, il y a le côté régime communiste, sans doute, mais on sent qu'on emmène un peu tout le monde avec soi, même dans un village. Ils sont pauvres, mais je trouve qu'on... Ils ont cette dignité aussi qui est de ne presque pas le montrer, de se marrer, etc. On a parfois l'impression que tout va bien. Non, on l'entend aussi dans le témoignage de notre Belge du bout du monde. Il y a vraiment encore des difficultés, mais je ne sais pas. Il y a cette solidarité. Et cette décence dans les plaintes. Exactement, qu'on entend ouais. relativement peu. Oui, hein. Oui, ouais, tout à fait. Bon, en même temps, je ne l'entendais pas dans leur langue. Hein. Je ne comprenais rien. Mais... Moi non plus. On n'a pas tout perçu, hein, cela ouais, dit. Ce sera à découvrir tout à l'heure. Hein. Les Belges du bout du monde retournent ce matin au Vietnam. Après la pub, Bernard Kervin nous emmènera sur les petits marchés locaux. A tout de suite. Ça se passe sur la première. Pour vous, voyager est un prétexte pour vous évader du quotidien, vivre plus intensément pour nourrir votre imagination ou créer. Vous souhaitez partager cette expérience avec nous ? La première vous invite à participer à Globe Crocker, l'émission des voyageurs qui croquent leurs escapades pour vous donner un goût d'ailleurs. Envoyez vos témoignages et vos coordonnées à croqueur@rtbf.be. Croqueur au pluriel @rtbf.be. Plus d'infos sur lapremière.be. Dans un monde qui change, il est temps d'investir durablement. Chacun peut faire beaucoup pour l'environnement, comme trier ses déchets ou recycler. Mais savez-vous que chez BNP Paribas Fortis Private Banking, vous pouvez aussi investir dans des entreprises qui s'engagent de façon durable? Par exemple, dans des parcs éoliens qui produisent de l'énergie verte. De plus, un investissement écologique peut se montrer aussi rentable qu'un investissement traditionnel. Contactez votre private banker chez BNP Paribas Fortis ou surfez sur investirpourdemain.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Un bon plan ? C'est ne pas devoir choisir entre un nouveau smartphone et faire du shopping. Un nouveau smartphone ? Ah oui, ça sonne bien ça. Et une nouvelle robe ? Ça sonne bien aussi. Sinon, m'offrir les deux, je peux ? C'est possible. Jusqu'au 15 août, le Huawei P8 Lite est à seulement 29€ avec Dauphin 25 smartphone dans votre shop Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Dis, la Suzy de la boulangerie a encore fait très fort. Non. Tu te souviens, elle avait réservé un vol sur thomascookairlines.be. Oui, alors ? Alors, elle est rentrée avec un maître nageur espagnol. Oh, c'est pas vrai ! Qu'est-ce que tu fais ? Ben, je réserve aussi un vol sur thomascookairlines.be, tiens. Réservez votre vol à partir de 49,99€ sur thomascookairlines.be et envolez-vous au soleil avec nous. Arte Belgique est la première présente... Bosa. Expo. Le mur de Berlin a aussi été un mur entre les artistes. Beaux-Arts présente un aperçu des plus importants courants artistiques des deux côtés du rideau de fer. Action painting, art médiatique ou conceptuel. Facing the future jusqu'au 25 septembre. Info Beaux-Arts.be. Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde. Excellent dimanche, ce sont les Belges du bout du monde sur la première avec nos chroniqueuses Maria Mallard et Fiona Collienne et un expat qui nous épate, Bernard Kervin, fondateur de l'ONG Mekong Plus au Vietnam. Les Belges du bout du monde, Adrien Jouvenot. Avec vous, Maria Mallard, nous mettons le doigt sur une initiative, un projet porteur d'espoir et de changement positif. Au Vietnam, une initiative a retenu votre attention, ce sont les cours de danse pour personnes handicapées. Exactement, au Ho Chi Minh Ville, tous les mercredis et vendredis après-midi, ils sont une petite vingtaine à se rendre à ce cours. C'est le Centre vietnamien pour le développement et le handicap qui est à l'origine de l'initiative. C'est gratuit, les cours ont lieu dans une pièce de 30 mètres carrés où la musique rythme les mouvements des personnes en fauteuil roulant. C'est très bien, c'est un peu le Cap 48 local et c'est ça chez où nous, les Lonnais, avons suscité l'hilarité générale. Je crois qu'ils sont ravis d'avoir de la visite. Hein. Je me demande d'où on vient, voilà. Vous êtes un des rares Lonnais du district. Ah ben oui, les Vietnamiens ont un nez tout petit ou épaté, alors elles n'aiment pas ça du tout. Alors pour elles, un critère de beauté, c'est les longs nez. Et d'ailleurs, il y en a qui se font refaire le nez. Et donc ici, vous avez un succès fou. Ah oui, bon. C'est un petit marché qui respire la joie de vivre. Et on a l'impression d'ailleurs que le peuple vietnamien est très souriant malgré les conditions de vie peu évidentes. Oui, c'est sûr que relativement parlant, le Vietnam évidemment est un pays relativement pauvre. Mais ce qui est important, c'est qu'il est en pleine croissance et qu'en fait la situation est bien meilleure que ce qu'elle était. Et tous les gens qui sont ici ont vécu la guerre. Donc pour eux, certainement, la vie est belle. Ils sont réputés pour être un des peuples les plus heureux d'Asie. Ouais, ils se disent, ça va tellement mieux qu'avant. Madame rit beaucoup, mais en même temps, elle travaille, qu'est-ce qu'elle vend? S'il y a des mangues, melons, sabotiers, mancao. Alors ça, c'est une carabone, oui. Ça, ce sont des longan, ça ressemble un peu au litchi, des mandarines, des pommes. Alors, les pommes sont rares, très rares ici. C'est un fruit de luxe, la pomme, au Vietnam. C'est un fruit très, très cher. Coûte beaucoup plus cher que les mangues. Est-ce que les Vietnamiens ont une façon particulière de... Bien, parce que ça, je voulais absolument garder du Vietnam, la soupe vietnamienne, ouais. Toujours au Vietnam avec Bernard Kervin, notre Belge du bout du monde. Bernard, début de l'an prochain, ce sera la fête du Tet et ça se prépare aussi dans les cultures ici. Ah mais c'est l'occasion de vendre des fleurs, vendre des poules on va vendre de la bonne viande. Et là, tout d'un coup, les prix explosent évidemment. Donc il faut, pour élever des poules, on va s'y prendre 3 ou 4 mois. Avant, et puis pour les fleurs, 2-3 mois. Hein. Et donc là, ça se prépare maintenant. Et comme le revenu est très très important, les dépenses aussi, parce qu'ils dépensent une fortune pour faire la fête. Alors, le Tet au Vietnam, on travaille beaucoup, mais s'il y a une fête qui est sacrée, c'est bien celle du Tet, celle du Nouvel An. Alors on pénètre dans ce petit terrain, en passant sous, on dirait une vigne, mais c'est pas une vigne, il y a des courgettes qui pendent. Voilà, on peut dire que vraiment c'est une ferme modèle, parce que, si pauvres soient-ils, ils ont tiré le meilleur parti du moindre mètre carré. On peut dire low cost au niveau de la fabrication, hein, on crée beaucoup d'emplois, on utilise du bambou, du chanvre, plutôt que de la fibre synthétique, et bon, voilà, c'est vraiment un très très bel objet qui fait de suite penser au Vietnam. Et vous-même, est-ce que vous êtes pratiquant? Est-ce que vous êtes, bon, vous êtes un peu vélociste, mais est-ce que vous êtes aussi cyclotouriste? Mon seul véhicule, en fait, c'est le vélo bambou. J'en ai pas d'autre, donc, sauf le bus pour les longues distances. Mais oui, mon vélo, c'est un peu mon camion pour transporter les gros poids. Ou alors, même, on a fait des promenades dans le delta du Mékong. On était à 3 dessus, parce qu'il faut vaincre tout de même un certain scepticisme. Il dit, le bambou, c'est pas solide, etc. Mais là, la preuve est faite. Et d'ailleurs, maintenant, les Vietnamiens aussi achètent des vélos en bambou. Comme quoi on peut devenir prophète dans son pays. Alors ces vélos en bambou sont aussi disponibles en Belgique grâce à la sœur de Bernard Kervin qui les distribue. Du côté de Louvain-la-Neuve, on a mis les adresses et les coordonnées de son site en ligne sur la page Facebook des Belges du bout du monde. Allez, un petit blind test, Maria Malar, Fiona Collienne, pour varier les plaisirs. Reconnaissez-vous cet extrait de film ? In 1965, Adrian Cronauer was sent to do the impossible. I was sent here on very strict orders from a colonel. What the hell's going on here? His mission? To build morale. Where are you from? Off of Cleveland, man. Obviously, Vietnam's not that much of a change for you. His strategy? Keep them laughing. If someone is not telling the truth, you say that they are full of... C'était cadeau. Good morning Vietnam. Évidemment. Oh, excellent. Avec un Adrian qui était animateur radio. Hein. Adrian. Oui, yes. Absolument. Allez, on écoute un autre extrait de ce film. C'est la bande originale signée Louis Armstrong. Some of you young folks been saying to me, hey pops, what you mean, what a wonderful world? How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it, and all I'm saying is see what a wonderful world tells. What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. Tiré du film Good Morning Vietnam, Louis Armstrong avec What a Wonderful World. Good Morning Belgium avec nos Belges du bout du monde. Bernard Kervin au Vietnam, un pays visité par notre chroniqueuse bourlingueuse Fiona Collienne. Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF. Alors Fiona, vous êtes d'accord avec moi, quand on veut visiter un pays, quand on fait des reportages, il y a des incontournables, il y a le marché, mais il y a aussi les écoles. Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Il faut en tout cas juste passer à côté et voir comment ça vit. Oui, et comment ça grouille, comment les bicyclettes, les uniformes. Oui, exactement. On y va, visite guidée de l'école dans le petit village où travaille notre Belge du bout du monde, Bernard Kervin. On peut dire que 99% des enfants vont à l'école, juste à la moitié du secondaire à peu près. L'uniforme est de rigueur. Absolument. Propreté, pour voir comment les sandales sont rangées. La discipline, absolument, hein, très très important. L'enseignement, c'est l'affaire du parti, ici au Vietnam. C'est-à-dire que le parti contrôle toute la société, organise toute la société, en particulier l'éducation, c'est très très important hein, pour former les esprits. Donc le parti est omniprésent. Au milieu de la cour de récréation, le drapeau rouge avec l'étoile jaune. Le portrait du président, si omniprésent. Ah, le portrait de l'oncle Ho, comme on l'appelle, hein, Ho Chi Minh, qui est donc la grande valeur spirituelle pour le Vietnam. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi, car il est temps. Le chiffon rouge de Michel Fugain, c'est ce que j'ai fredonné, moi, en visitant cette école, parce que tous les enfants ont un foulard rouge, pas tous les enfants, ceux qui ont des beaux points uniquement. Ah oui, il y en a beaucoup qui ont des beaux points. Oui. Alors, après l'école primaire, nous avons fait avec Bernard Kervin un petit tour en maternelle, et là, les institutrices nous ont offert des gâteaux. Mais l'accueil au Vietnam, c'est pas un vain mot, hein. C'est première chose, on vous offre un thé, puis là... Des fruits, des petits gâteaux, faits à la maison par les maîtresses. Des gâteaux avec du riz gluant. Du riz gluant mélangé avec des herbes, donc un goût tout à fait particulier. Et tout cela enveloppé dans des feuilles de banane. Des feuilles de banane. Ouais, des feuilles de bananier. Ouais. Alors après les fruits, des fruits exotiques, hein, quels sont ces différents fruits que nous avons mangés ? Des mandarines, il y a des sortes de petites pommes locales, et puis il y a le sabotier qui est un fruit extrêmement sucré. tout à fait particulier. On en fait d'ailleurs d'excellents... on appelle ça un shinto, en fait. C'est une sorte de jus de fruits frappé. Alors après avoir mangé les fruits, on d'abord on applaudit et puis on se brosse les dents. Ça, c'est un vrai rituel et ça fait même l'objet d'un apprentissage scolaire. Une fois par semaine, les enfants vont se brosser les dents à l'école comme il faut. Vous allez voir, c'est extrêmement précis, détaillé, rythmé. Et quand ils rentrent à la maison, ils racontent aux parents. Et donc, progressivement, c'est toute la famille qui suit le modèle. Ce sont souvent les enfants qui apprennent à leurs parents comment se brosser les dents. La classe. Oui, c'est pas mal. Ils ont la brosse à l'école et ils rentrent, ils expliquent aux parents. Bernard Kervin, un gars attachant. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr. C'est vraiment inspirant. Un beau parcours de quelqu'un qui a passé maintenant plus de temps dans le sud-est asiatique que dans son pays natal. Bernard Kervin, présent depuis une trentaine d'années au Bangladesh, au Cambodge et au Vietnam. Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde. C'était une nouvelle diffusion des Belges du bout du monde au Vietnam. La semaine prochaine, nous serons chez Madeleine Deblic, créatrice du volontariat en Inde. Dans un instant, sur la première, le journal parlé de 10h, suivi des terrasses de l'été avec Olivier Nederland. Regarde là, sauvage là, sensation du début, ne se laisse plus monter comme à l'heure des premières crues qui te faisaient chanter. Oh là, oh là, tout doux, tout doux, ralentis un peu, tout doux, tout doux, et le vent a soufflé, soulevé des montagnes de poussière dévoilée, des continents perdus. Parfums en sommeil, des corps inachevés, qui te faisaient chanter, qui te faisaient chanter. Oh là, oh là, oh là, tout doux, tout doux, ralentis un peu. Oh là, oh là, oh là, tout doux, tout doux, ralentis un peu. Passer comme un souffle fragile, sans même nous affoler. Des vents qui nous battaient, nous dérobaient à ceux qui pourtant nous aimaient, et nous faisaient chanter, et nous faisaient chanter. Passe la récolte, à cesser d'ignorer qu'elle est ce que nous sommes, et qu'on se passe en elle, comme elle se passe de nous, et qu'on se passe en elle, comme elle se passe de nous. Les soldes XXL sur Crefel.be, réservés en ligne, c'est dispo une heure après dans votre magasin. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Voltaren est un médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les doigts. On prend le tube de crème solaire et on presse bien fort avec les doigts et on étale de haut en bas et 1 et 2, on fait des ronds, et 3 et 4, allez, on en met bien partout. Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. J'adore sentir le barbecue grillé dans le jardin. Et ça sent encore meilleur quand sur le barbecue, il y a nos bonnes brochettes de poulet. Un petit. Oui, monsieur Marquis, qu'elles sont bonnes. Poulet nature, poivron ou ananas. Vous sentez? Ça sent la promo. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos brochettes de poulet nature, poivron ou ananas sont en 3 plus 1 gratuites. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. La première et Ouf TV présente l'expo WOW, le mouvement comme vous ne l'avez jamais vu. Tigres qui bondissent, zèbres qui galopent, lionnes en chasse, tous arrêtés en pleine action. Des scènes spectaculaires de taxidermie acrobatique, une expo d'une beauté sauvage à vous couper le souffle. Au Muséum des sciences naturelles à Bruxelles, avec le journal Le Soir. Profitez du coucher de soleil. Ah, le soleil. Ou d'un beau lever de soleil. Oh, le soleil. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. La première présente le 37e festival Jazz and Blues de Gouvy, du 5 au 7 août à la ferme Madelon à Sterpigny-Gouvy. Vendredi et samedi, jazz pour tous, avec Maceo Parker, Lisa Simone et bien d'autres. Et dimanche, la grande parade du blues, avec notamment Justina Lee Brown, Sugar Ray Rayford Band, Nico Duportal. Plus d'infos, madelon.gouvy.eu. La première. Il est 10h. Bonjour à tous, avec vous Juliette Arriga. C'est le jour J en France, un mois jour pour jour après le match d'ouverture. L'Euro touche à sa fin ce soir, avec en match de clôture la grande finale entre le Portugal et le pays organisateur. La France aura évidemment l'avantage du public. Pour le coach Didier Deschamps, une seule chose compte aujourd'hui, gagner, gagner et encore gagner. Quand on est dans le sport loisir, c'est le plaisir, c'est l'amusement. Quand on est dans le sport de haut niveau et la compétition, voilà, c'est gagner. Il n'y a rien de plus beau que gagner. Après, il faut accepter quand ce n'est pas le cas. Mais avant d'accepter ça, il faut tout faire pour y arriver. Après, le football, ce n'est pas une science exacte. Il suffit de peu de choses par moment. Mais quand on a le sentiment d'avoir tout fait, tout donné, déjà, on n'a pas de regrets. Et puis, on est animé par cet état d'esprit au quotidien. Match à 21h au Stade de France, à suivre sur tous les médias de la RTBF. Match sous haute sécurité. Des milliers de policiers et de gendarmes sont mobilisés au Stade de France, dans la fan zone de Paris et sur les Champs-Élysées. Et sécurité oblige, même s'ils gagnent, les Bleus ne pourront pas demain défiler sur l'avenue des Champs-Élysées. Le retour du soleil et de la chaleur incite à nouveau à la baignade, mais il faut rester prudent. Il y a des endroits à éviter, c'est le cas des anciennes carrières, interdites d'y plonger, et c'est même passable d'une amende, car même si c'est tentant, cela reste surtout très dangereux. Les accidents sont fréquents. Le reportage près de Tournai de Guillaume Gilbert. Nous sommes au bord d'une carrière à quelques kilomètres du centre de Tournai. Pourtant, on a l'impression d'être en pleine nature. Yvan et ses amis viennent régulièrement piquer une tête ici. En général, quand il y a du soleil, on aime bien s'y jeter avec les amis. Le cadre est magnifique, on peut profiter du calme, nager en toute tranquillité. C'est quand même vachement agréable. Une eau propre, un cadre agréable. Seulement voilà, Paul-Olivier Delannoy, le bourgmestre de Tournai, le répète chaque été, il est interdit de nager dans ses carrières. Pour des raisons de sécurité avant tout. Le fait de nager dans des carrières sans surveillance, la problématique de l'hydrocution, la problématique de personnes qui plongent dans des endroits où on ne sait pas très bien quel est le fond. Et donc ce n'est pas du tout un message répressif, c'est simplement un message de prévention en disant faites attention parce que les conséquences peuvent bien entendu être dramatiques pour les familles. En effet, chaque année en Belgique, des drames ont lieu suite à l'imprudence de certains baigneurs. Des baigneurs qui risquent également une amende salée. À Tournai, elle peut grimper jusqu'à 350 €, ce qui n'effraie pas Yvan et ses amis, même s'il comprend l'argument sécurité. C'est compréhensible, mais la ville pourrait faire quelque chose afin que ça devienne enfin autorisé, que ça soit mis aux normes, afin que le public puisse en profiter. Pas de projet de ce type pour l'instant à Tournai. Le bourgmestre conseille à ceux qui veulent découvrir les carrières en toute sécurité de s'inscrire dans un des clubs de plongée de la région. Et puis il y a tout de même des plongeons autorisés, c'est le Big Jump ce week-end, opération européenne pour promouvoir la qualité de l'eau. Plusieurs centaines de personnes ont déjà sauté dans un plan d'eau à Gand hier après-midi. D'autres plongeons sont prévus dimanche à Andenne, en Surlès, oui, ou encore Senef. Cela faisait 30 ans que ce n'était plus arrivé en Espagne. Un jeune torero est mort hier en pleine corrida devant des milliers de spectateurs. Cela s'est passé lors de la feria de Teruel dans le centre du pays. Victor Barrio, 29 ans, a reçu un coup de corne du côté droit du thorax. Un coup qui lui a été fatal. En sport, retour au sport, puisqu'il n'y a pas que l'Euro de football qui se termine ce soir. C'est aussi le dernier jour pour l'Euro d'athlétisme à Amsterdam. Une dernière chance pour la Belgique d'obtenir une troisième médaille. À 18h50, le relais belge 4 x 400 mètres dispute la finale. Le coach Jacques Borlée étudie la tactique avec son équipe. Je dois parler avec les gars pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. On avait convenu que personne ne court plus de 2-3 courses ici au championnat d'Europe parce que la quatrième course, elle pèse lourd dans les jambes pour la préparation pour Rio. Donc je vais parler avec les gars et on va voir qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils veulent faire et comment ils sont enthousiasmés par l'équipe et comment ils veulent faire un effort supplémentaire ou faire un pas de côté. Donc voilà, ça c'est les discussions qui sont importantes au sein du team. Et puis le Tour de France poursuit aussi aujourd'hui. La 9e étape partira de Viella Valdaran en Espagne. La dernière étape dans les Pyrénées avec de gros dénivelés au programme et une arrivée au sommet. Et puis vous ne saurez plus quoi choisir puisqu'il y a aussi du tennis. La finale messieurs de Wimbledon aura lieu cet après-midi. Elle opposera Andy Murray à Milos Raonic. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute. Et dans quelques instants, vous retrouvez sur la première les terrasses francophones avec Olivier Nederland. En juillet chez Ego, profitez de 25% de remise sur votre nouveau placard ou dressing sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Ça se passe sur la première. Demain à 22h. Par oui dire. Mais pourquoi je n'ai pas simplement répondu « Non camarade, je ne viens pas de chez les Boches ». Je viens de chez les Belges, je viens des cantons de l'Est, belges depuis 1920, mais qui ont été annexés par l'Allemagne nazie pendant la guerre. Maman, c'est du théâtre, hein ? Oui, je sais bien, mais quand même, hein ? Le Carnaval des Ombres, de et avec Serge Demoulin. Mais de quoi on parle quand on a appris qu'il ne faut pas parler ? Par oui dire ? On s'invente des histoires. De 22h à 23h sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. La radio, c'est du son, mais aussi de l'image. Matin première, entrée sans frapper, c'est presque sérieux, s'écoute et se regarde sur rtbf.be/ovio. Moi, en été, j'aime les salades, c'est frais et c'est bon. Ah oui, une bonne salade, quand il fait chaud, c'est bien frais, un petit. Oh oui, monsieur Marc, surtout quand elles sont aussi fraîches que nos bonnes salades pommées, ou feuilles de chêne, ou iceberg. Et en ce moment, on vous offre la seconde salade à moitié prix. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, sur toutes nos salades au choix, la seconde est à 50%. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Dis, la Suzy de la boulangerie a encore fait très fort. Non. Tu te souviens, elle avait réservé un vol sur thomascookairlines.be. Oui, alors ? Alors, elle est rentrée avec un maître nageur espagnol. Oh, c'est pas vrai ! Qu'est-ce que tu fais ? Ben, je réserve aussi un vol sur thomascookairlines.be, tiens. Réservez votre vol à partir de 49,99€ sur thomascookairlines.be et envolez-vous au soleil avec nous. La première. La première, le dimanche de 10h à 11h, les terrasses francophones, avec Olivier Nederland. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous estival. Vous avez désormais rendez-vous comme l'an dernier avec les terrasses francophones. Ce sera cette fois le dimanche matin entre 10 et 11h. Et comme l'an dernier, nous vous proposons une série de reportages réalisés par les radios francophones publiques. La RTBF, mais aussi Radio France, la Radio-Télévision Suisse et Radio-Canada. Et nous allons commencer par le football. Vous ne pouvez pas l'ignorer, la finale de l'Euro 2016, c'est ce soir au Stade de France. L'occasion de nous intéresser non pas aux joueurs, non pas aux entraîneurs, mais bien aux arbitres. On en parle un peu moins et pourtant, le rôle est essentiel sur un terrain. Entre coup de coin, pénalty et carte rouge, bienvenue dans le premier numéro des terrasses francophones. C'est donc la toute dernière ligne droite pour les amateurs de foot, la finale de l'Euro 2016. C'est donc ce dimanche soir à partir de 21h. Depuis un mois, tout le monde s'est surtout focalisé sur les joueurs. Ils sont évidemment les principaux acteurs de cette compétition majeure. Mais à côté d'eux, aux côtés des entraîneurs et des staffs techniques, un 23e homme tient une place centrale sur le terrain. On en parle beaucoup moins, sauf en général pour souligner ses erreurs. Il s'agit de celui que l'on appelait avant l'homme en noir, même s'il porte aujourd'hui des tenues plus voyantes, télévision oblige, c'est évidemment l'arbitre. Il y a quelques semaines, nos confrères de Radio France se sont intéressés à ces arbitres. Quelles sont leurs motivations pour exercer ce rôle à la fois essentiel mais aussi parfois ingrat? Pour les arbitres professionnels, on a bien une petite idée. Ils ont le plaisir et l'excitation finalement de prendre part à des matchs de haut niveau. Mais qu'en est-il de tous les autres, de tous ceux qui arbitrent le dimanche des matchs amateurs et ne recueillent souvent en retour que des insultes, voire même pire? Julie Pietri est allée à la rencontre de ces arbitres de foot en France pour comprendre les ressorts de leur vocation. C'est un reportage de l'émission Interception diffusée sur Radio France, France Inter en particulier, le 5 juin dernier. Entrez. Passez. Vous aboyez pas vos chiens ? Si, ça peut arriver. Allez, venez. Bienvenue chez moi. Passez, tu viens ? Elle veut pas. Eh ben tant pis pour elle. Elle va profiter du beau temps. Comment ça a été ? Vous avez fait bonne route ? Oui. Alors, je vous ai préparé pas de boulot. Hein. Comme je vous avais dit, bonne franquette. On va se faire un truc sur le pouce, tranquillement. Qu'est-ce que vous mangez avant les matchs ? Toujours, ouais, des pâtes, ouais. Des pâtes, souvent. Pâtes, riz. Allez, asseyez-vous, installez-vous. Mettez-vous à l'aise. Voilà. Servez-vous, mangez à votre faim. C'est pas un repas de ministre, mais le cœur y est. Donc, je m'appelle Jean-Yves Leroy, j'ai 38 ans, je suis chef d'entreprise. Et je suis aussi arbitre de football. Depuis combien de temps ? Là, ça fait une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Hein. Et là, vous avez un journal local. Sous les yeux ? Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? J'ai été victime d'une agression au mois d'août 2015. La rencontre, c'était Atlético Fontenay. Et j'ai été pris à partie par un joueur qui avait été exclu, après match en fait, en rentrant au vestiaire. Donc là, c'était un match local, amateur. C'est ça. Je l'ai averti une première fois à la 26e minute pour contestation de décision arbitrale, donc carton jaune. Son entraîneur l'a sorti. Il est revenu en deuxième période et puis début de deuxième période, quoi, 46e minute. Il a blessé un joueur adverse, en fait. Donc du coup, il a pris un deuxième carton jaune, donc synonyme d'exclusion à la 56e minute. Bon, il est sorti... Il m'a juste dit, je vais te monter en l'air, quoi. Mais bon, après, parti à la douche, on n'a pas entendu parler du pays, quoi. Et puis, bah, surprise en rentrant au vestiaire, quoi. J'étais roué de coups, quoi. 14 points de suture au niveau de l'arcade sourcilière, 14 au niveau de la pommette, le nez cassé, traumatisme crânien et traumatisme facial. Et donc, 10 jours d'ITT. Et c'est quand même grave, quoi. Là, vous avez le journal local sous les yeux. On voit le titre de l'article, c'est « L'arbitre avait subi la crise de nerfs du footballeur amateur ». Ça, c'est votre histoire. C'est la mienne. C'est la mienne. Le jugement. C'est le jugement. Donc on voit, on va pas donner de nom, mais on voit que c'est un jeune homme qui a moins de 30 ans. C'est ça, oui. Il apparaît ici le nombre de condamnations le concernant aussi. Son casier judiciaire possède 16 condamnations, dont 3 déjà pour des violences. C'est ça. Mais bon, qu'importe, quoi. Déjà, il est radié du football à vie, donc ça c'est la meilleure nouvelle. Déjà, je pense que les instances ont été réactives, mais je pense que si en amont, déjà avant, on est tous conscients, on sait tous qu'il s'est passé des choses avant qu'il m'arrive ce qui m'arrive à moi, on aurait dû être beaucoup plus dur et beaucoup plus ferme. Ce jeune homme-là qui vous a agressé et qui a été condamné a pris combien ? Il a pris 10 mois de prison ferme. Je n'étais pas bien, j'étais en pleine séparation, en plein divorce. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre dans le journal, ouais. Voilà, c'est ce que lui donne comme réponse à partir du moment où il est auditionné. Mais pendant sa garde à vue, il dit ça. Mais attendez, et moi, j'ai pas de soucis, moi. Quand je vais arbitrer, pas mettre des cartons gratuits à des joueurs parce que mon entreprise va mal ou parce que, je sais pas, je me suis engueulé avec ma femme ou parce que j'ai un gosse qui a la gastro. À un moment donné, voilà, on est sur un moment où on fait du sport et on est censé... on est pour se faire plaisir. On a un collègue, il y a 3 semaines, il a pris un coup de poing au visage. Là, j'ai un collègue qui m'a appelé. Il s'est fait traiter de espèce de sale bâtard, t'es un chien, j'ai envie de te cracher à la gueule. On reste amateurs, ils sont pas payés les mecs pour jouer, quoi. Donc Maggie, vous êtes la femme de Jean-Yves. Est-ce que vous lui avez dit à un moment donné, c'est terminé, quoi? Oui. Aussitôt, j'ai dit c'est fini, tu retourneras plus au foot, je veux plus en entendre parler, c'était sujet clos à la base. On arrive dans le camion, il est bandé de partout, du sang, bah... Là, on explose, quoi. Enfin, tous ceux qui étaient près de moi, m'ont pris un peu plein leur grade. Donc voilà. Donc après, il a fallu que je l'accompagne jusqu'aux urgences. On a passé une grosse partie de la nuit là-bas. Et puis, aujourd'hui, il y retourne. Ouais. Vous êtes inquiète au quotidien, enfin le dimanche? Oui, quand même, parce que ça continue, les menaces. Les joueurs sont jamais contents après l'arbitre, donc toujours peur qu'il se repasse quelque chose. Il y a 15 jours, mes enfants l'ont accompagné sur Gonneville, et puis. Les joueurs ont encore critiqué, encore menacé, en disant « ça y est, tu t'es pris une claque, tu vas en reprendre une deuxième ». Donc voilà, donc non, je suis pas confiante quand il y va, et ça, il le sait de toute façon. Vous êtes pris par plein de sentiments. Il y a la colère, il y a l'humiliation aussi. Parce que, on reste des hommes, hein. On reste des hommes. Moi, les deux équipes, hormis le joueur qui m'agresse, je les connais tous. Vous repartez sur un fauteuil roulant avec les pompiers, quoi. Petite merde, quoi, je suis pas venu pour ça au départ, moi. Et c'est humiliant. C'est quand même de la folie, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez arbitrer, vous savez quand vous y allez, vous savez pas encore comment et quand vous allez rentrer, quoi. Là, on va aller vous suivre sur un match. Mmh. C'est un match chaud. Ça, c'est le match au couteau, celui-là. Celui-là, c'est... Il n'y en a pas beaucoup qui ont envie d'avoir ma place, très honnêtement. Un derby du Havre? Ah oui, Coquerieville-les-Neiges, c'est chaud bouillant, c'est... C'est bon à faire, quoi. Des arbitres refusent de faire ce type de match? Ah bah bien sûr. C'est pas spécialement le match où on a envie d'aller, quoi. Mais alors pourquoi vous, qui avez en plus été agressé violemment, vous décidez d'aller sur un match comme celui-là? Parce que dans mon arbitral, on sait bien que je dois avoir un pet au casque. C'est la passion, parce qu'il faut être fêlé quand même pour y retourner. Il y en a plein qui comprennent pas. Hein. Ils me disent, faut vraiment être mordu, pour en avoir pris autant dans la gueule et puis y retourner, il faut... C'est où t'en as un pet au casque ou alors t'es vraiment passionné, quoi. Donc effectivement, c'est la passion. Bonjour. Et là, tu vois, inconsciemment, ça y est. Là, la pression, elle monte. On arrive au sac, on sait que ça y est, on y va. Donc là, ça y est, on est tout de suite ambiance, on est dans le match, quoi. On est dedans. Jean-Yves, en voiture, un petit peu à distance, il préférait que ça se passe comme ça. On a quitté sa maison en pleine campagne normande, au milieu des champs, pour arriver ici, donc au Havre, dans un quartier à Haute Tour. C'est là, dans ce quartier, le quartier de Coquerieville, que va se dérouler le match. Neige, capitaine, s'il vous plaît. Monsieur l'arbitre. Ah ben, vous êtes en forme aujourd'hui? Bon match, mon frère. Ben ouais, ça va être chaud apparemment, c'est ça. Hein, il vous faut des points. Ah, Abdou. En plus, t'es capitaine. Aïe, aïe, aïe, si je t'entends encore, arbitre de merde. Venez, moi, je parle jamais, moi. Je suis discret, moi. fous pas de bruit. C'est ça, frère. Hein? C'est bon, capitaine? Ouais. Ok, on va au vestiaire. Richard, la porte, s'il te plaît. Bon, les gars, le capitaine, le gardien de ville, on va être loin les uns des autres. Criez pas au loup, d'accord? Il y a un souci, appelez, d'accord? Moi, je privilégie le dialogue à la sanction. Mm-hmm. Donc, c'est pas la peine de crier comme c'est pas permis, d'accord? Nous, on vous respecte. On attend la même chose en retour. Ouais, d'accord, on va pas vous refaire la messe que vous avez tous les dimanches. Voilà, vous jouez au ballon. Contestation, les gars. Rideau. C'est bon pour les consignes dirigeants, ouais. Ouais. C'est bon. Ok, je vous souhaite un bon match. A tout de suite, ouais. Bien vu, Majid. Bien joué, oui, mais c'est la deuxième fois qu'il siffle fort. De toute façon, on sait comment ça marche. Comment ça marche, Ibrahima? Vous êtes l'entraîneur, vous déneigez, oui. Hein, c'est ça? L'équipe qui reçoit est souvent avantagée par l'arbitrage. C'est souvent comme ça. Ça m'arrive de gueuler, mais bon, juste pour essayer d'influencer. Et dès que l'arbitre hausse la voix, on retourne, on s'excuse donc, pour ne pas être sanctionné. Quand on est sur le terrain, on est... On pourrait dire transformé, on est dans le match, on ne voit rien d'autre, c'est la passion qui l'emporte. Donc souvent, les personnes, le joueur et la personne en dehors du terrain, c'est deux personnes ou deux personnalités complètement différentes. Et vous alors? Quand vous êtes ici, vous êtes différent de... Oui, complètement dans la vie, je suis éducateur, donc... au foot, je suis un peu plus... Je m'exprime un peu plus. Mais t'as la place là, c'est ça qu'il faut. On le regarde jouer. Allez. Ouais. C'est ça. On va finir, les gars. Allez, Adi. Wow. Y a rien, il prend la balle. Carton, monsieur l'arbitre, là. Monsieur l'arbitre, à un moment donné, va falloir faire les bons choix. Hé, hey, ça fait un quart d'heure que le ballon, il part, là, franchement, là. Au bout de quelques minutes, là, il y a eu déjà quelques petits accrochages, des contestations, mais qu'est-ce qu'il fait là, l'arbitre? Mais il n'y a pas eu ni insultes, ni crachats, ce que redoutait un petit peu Jean-Yves Leroy. Pour l'instant, on le voit courir là, de but en but sur le terrain, dans une tenue grise. Il montre de temps en temps ses cartons aux joueurs pour calmer leurs ardeurs quand ça s'échauffe un petit peu. Et c'est pareil pour les entraîneurs, hein. Il va aussi souvent du côté des bancs. Pour discuter avec ceux dont le ton monte un petit peu trop à son goût. Oh, vas-y. Mettez-moi ça au sol. Jordan, Jalal, faut mettre le ballon un peu au sol, là, allez jouer un petit peu là. En plus, il fait que ça, il fait. Voilà, regarde. Je, voilà, tranquille, seul. Attaque. Monte, Jordan, monte un peu. Y'a personne. Oh, c'est l'arbitre. Oh, la faute, elle est pas dans ce sens-là. Eh ouais. Depuis tout à l'heure, vous dites que vous voyez rien. Eh, hey, mais vous êtes payé pour voir. Vous avez un drapeau, il sert à quoi? Mais arrête. Quoi? Non, mais ils étaient hors jeu. Parce que je vous envoie en tribune. Vous m'avez dit tout à l'heure. Ouais, je vous ai dit, appelez-moi. Je vous appelle. Je vous ai dit, appelez-moi. Non, vous m'appelez pas, vous me gueulez dessus. Si vous me faites la même chose, je vous appelle, vous n'êtes pas venu. Alexis, vous êtes l'entraîneur de l'équipe qui est en train de gagner là. C'est ça. C'est juste, faut de temps en temps savoir mettre un petit coup de pression. La prochaine, il réfléchira deux fois avant de la siffler. Ablaye, parle pas, c'est rien, replace-toi, joue. Te la bite. Quand ils sont pas sûrs à 100%, ça joue, ils peuvent compenser sur les actions suivantes. Monsieur l'arbitre, il y a des joueurs à terre, monsieur l'arbitre. Oh, de la terre. On a ramené tout le monde au bout, dit. Bah, c'est pas ça, moi j'avais là qui me prenait la tête. Quand j'ai commencé à dégainer, bam. T'as vu le costaud là, je crois qu'il est m'agresser sur le grand touche, toi. J'ai le dirigeant de coquerie. Recalé, allez, roule. Jean-Yves, là on est de retour dans les vestiaires. Combien vous gagnez pour un match comme ça? 56 euros. C'est 56 euros tous les dimanches. Tous les dimanches. Ça le vaut? Je pourrais même le faire gracieusement. Richard et Samir, ce sont vos assistants, c'est ça? Oui, sur le terrain. Tout à fait, oui. Richard, vous êtes arbitre assistant, donc oui. On vous a vu, vous étiez près du banc de touche des supporters. Oui. Il y a eu 2-3 fois où vous avez dû hausser un peu le ton ou remettre les gens à leur place. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que ce n'est pas des méchants supporters. Mais on sait que la moutarde, la bombe, elle peut exploser à n'importe quel moment. Imaginez-vous si jamais il y a un truc qui se déclenche. Nous, en tant qu'arbitre, la première chose qu'on fait, c'est venir à notre vestiaire parce qu'on sait qu'on sera les premiers agressés. C'est déjà arrivé, ça, de rejoindre le vestiaire Oui. Moi, j'ai arbitré une fois le club de Val-de-Reuil au stade Valmy, ici, ouais. Les joueurs, ils nous ont lancé leur maillot en flamme dans notre vestiaire. On a dû faire appel à la police pour sortir. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau amateur pour arranger les choses, pour que ça se passe pas, ce genre de choses? Il faudrait qu'il y ait un meilleur service de sécurité, fourni par les clubs ou par la ville aussi. Vous dites un meilleur encadrement. Il y a un encadrement de sécurité, là, aujourd'hui, par exemple? Non, il n'y a qu'un dirigeant, c'est tout. Imaginez-vous si jamais il y a un truc qui se déclenche, un risque, un truc comme ça, il n'y a que les joueurs entre eux qui peuvent calmer le jeu, c'est tout. On n'est jamais à l'abri. Hein. Voilà. Monsieur l'arbitre, à chaque fois il y a 5 minutes quand le ballon il sort, bordel de merde. Mais vite, Kevin, la prochaine, dès que tu l'as. Au moins, je sais pas, ramasseur de balles, quoi, c'est ce qu'il faut, quoi. L'arbitrage, c'est un sujet d'étude aujourd'hui. Il y a des historiens, des sociologues qui travaillent sur ce rôle central dans le sport et dans le football. Est-ce que les violences dont on parlait ont toujours existé? Qu'est-ce que fait l'arbitre en dehors du terrain une fois qu'il a rangé le maillot? Là, nous sommes à Liévin, dans le Pas-de-Calais, dans le nord de la France, sous la pluie et devant la faculté des sports et de l'éducation physique, à un bâtiment de briques rouges, cubiques, assez moderne en fait. Ça doit être par là. Je crois que c'est là. Olivier Chauveau, directeur. Bonjour. Bonjour. Donc, Olivier Chauveau, donc, je suis professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Artois et par ailleurs aussi délégué de la Ligue de football professionnel. Donc, vous êtes collègues tous les deux et vous êtes... Moi, je suis William Nuitens, donc sociologue ici, professeur des universités. Depuis quelques années, on travaille sur les violences dans le sport amateur. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui du nombre d'agressions? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites précises là-dessus? Oui, oui. William Nuitens. Par an, il y a 1 million de matchs. Officiellement, 1,5% des matchs qui sont entachés de faits de violence, violence physique, violence verbale. Et l'écrasante majorité de ces agressions se font entre joueurs et après sur arbitre. Ce que nous on appelle les agressions physiques délibérées, donc qui vont se traduire par des interruptions temporaires de travail et puis des dépôts de plainte, c'est-à-dire des contentieux au plan pénal, c'est en moyenne entre 40 et 60 par an. Alors ce qui effectivement est beaucoup, mais j'allais dire toute proportion gardée, c'est on a à peu près le même chiffre concernant les enseignants. Alors, je ne sais pas si c'est un mal-aimé, ce que je peux dire, c'est que de tout temps, c'est quelqu'un qui a été stigmatisé, mais de par la position qu'il occupe. C'est-à-dire que le rôle de l'arbitre, c'est un rôle ingrat. Quand on consulte les archives, on se rend compte que de tout temps, dès la fin du 19e siècle, il y a des rencontres qui se terminent très très mal. Il y a des arbitres qui sont invectivés, il y a des arbitres qui sont molestés, il y a des arbitres qui sont agressés physiquement. L'idée de violence ou d'agression physique envers les arbitres qui serait de plus en plus importante, quantitativement, ça, c'est une idée qui est historiquement extrêmement contestable. Et dans ces temps passés, Olivier Chauveau, qui est cet arbitre, en fait? C'est un gentleman, lui aussi? Oui, c'est un gentleman. C'est surtout un dirigeant, plus âgé que les joueurs. Et, j'allais dire, d'autant plus âgé qu'à l'époque... La performance physique importe peu. William Nuitens, aujourd'hui, vous êtes sociologue. L'arbitre a changé? Entre les arbitres des petits niveaux et les arbitres du haut niveau dont on parle à la télévision ou à la radio, il y a plusieurs mondes qui les séparent. Et ce n'est pas une activité univoque, au sens où ils ont une licence, ils ont un mandat pour arbitrer, mais souvent ils ont un boulot à côté. Mais plus on monte dans la hiérarchie, moins c'est facile. Ils ont des tests physiques en termes d'endurance, en termes de résistance. On ne peut pas avoir un métier à côté. C'est de moins en moins vrai. Alors, il y a une surreprésentation quand même dans l'échantillon qu'on a constitué des métiers d'ordre. Il y a beaucoup de militaires et de policiers. chef d'entreprise d'une entreprise de nettoyage. C'est marrant. Faut que ce soit nickel, faut que ce soit bien propre. Moi, le premier de haut niveau que j'ai rencontré, je l'ai appelé l'étalon. Il ressemblait déjà à une espèce de pur sang, il était nickel, super bien coiffé, super bien habillé. Il avait un kiné, il avait un nutritionniste. Je n'en revenais pas de ce que je voyais, quoi. Et de ce que j'entendais, quand ils me parlaient de comment ils préparaient leur match. Je me disais, mais si on savait un dixième de ce que j'entends là quand on est joueur, mais ça changerait tout sur les terrains, quoi. Parce qu'on se rend compte qu'il y a un niveau d'expertise et de préparation qui est inimaginable. Moi, j'ai été joueur, un joueur de district. J'étais quand même pas forcément très cool avec les arbitres, quoi. Mais je dirais, je suis représentatif d'un tas de joueurs qui sont pas éduqués à ce que c'est qu'arbitrer, ni par leurs éducateurs, ni par le monde du football. Vraiment, l'angle mort du football en matière d'arbitrage, c'est vraiment la formation des éducateurs et des entraîneurs. Enfin, les joueurs n'ont pas de formation au respect de l'arbitrage, comme ils n'ont pas forcément de formation en matière de loi du jeu. On connaît pas forcément les règles du jeu. Bon, bref. Les joueurs ne connaissent pas les règles du jeu. Oui. Souvent, les commentateurs, c'est le même niveau qu'un mec qui regarde un match dans un bistrot. C'est formel public. On parle pas du nombre de kilomètres qu'il a parcouru, on parle pas de la distance qui le séparait des situations de jeu et de l'endroit où il se trouvait, on parle pas de la manière avec laquelle il parvient à regarder ses juges de touche. On met le ralenti sur des phases litigieuses qui vont super vite. Sur une heure et demie de match, il y a de l'erreur, et on ne parle que de l'erreur. Et le téléspectateur ne voit que l'erreur. Et il est socialisé à l'arbitrage à travers l'erreur et à travers son erreur. Être arbitre, qui plus est de haut niveau, ça demande donc des sacrifices, des efforts en tout cas, des week-ends réservés, une mise de côté du travail pour les arbitres les plus prisés, et puis un entraînement exigeant. Alors là, on va rencontrer un arbitre qui est parmi les meilleurs en France, un jeune arbitre, il a 34 ans, il s'appelle Benoît Millot, il fait partie des 10 arbitres centraux internationaux français, et il nous a donné rendez-vous à Châtenay-Malabry, devant l'endroit où il exerçait son travail, son activité avant, parce que maintenant il a une carrière tellement pleine au niveau de l'arbitrage qu'il a dû se mettre en disponibilité. Bonjour. Vu l'appareillage, ça doit être vous. Bonjour Benoît, enchanté. Julie. Donc vous travaillez en fait avant votre disponibilité au service des sports de la mairie de Châtenay-Malabry. C'est ça, pendant cette année. Ouais, je travaillais là pendant, et vraiment ici dans les bureaux. Pendant 7 ans, alors j'essayais d'aménager mon emploi du temps pour être sur l'arbitrage et sur le boulot. Plus les années ont passé, plus c'était compliqué de faire à la fois et le foot et le boulot. Là, vous avez un match tous les combien maintenant ? Bah, c'est minimum une fois par semaine, parfois deux. Il y a encore quelques années en arrière, peut-être en 4-5 ans, en peu de temps, ça a quand même beaucoup bougé. À peu près tous les arbitres avaient une activité à côté. Là, désormais, la plupart, notamment ceux qui sont internationaux, par obligation se détache complètement à l'arbitrage. Donc c'est l'augmentation du nombre de rassemblements et d'entraînements au quotidien et de matchs qui font que c'est plus possible de mener de front plusieurs carrières. Ça veut dire qu'il y a plus d'exigences aussi par rapport à tout ce que doit maîtriser un arbitre aujourd'hui Tout à fait. Notamment au niveau physique, on est suivi par un préparateur physique de la Fédération Française de Football, détaché aux arbitres. Alors ça, je le dis, c'est vrai pour les arbitres de Ligue 1, de Ligue 2 et même de National. Voyez, et en fait, on doit envoyer chaque semaine nos données d'entraînement. Et ces données d'entraînement, en fait, on les envoie pas comme ça par écrit. Bah, cette semaine, j'ai fait deux jogging et une fois de la musculation. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, on a notamment des montres Polar GPS qui nous permettent en fait d'enregistrer toutes nos données d'entraînement et qu'on envoie à ce préparateur physique. Et ceci étant dit, si notre préparateur physique évaluait notre semaine d'entraînement comme non concluante, un match éventuellement sur lequel nous serions désignés pour le week-end nous serait enlevé. Et à la fin d'une saison, donc c'est comme une équipe. Il y a des montants, il y a des maintiens, il y a des descentes. Donc pour un arbitre, il n'y a pas de relâchement naturel, on est observé à chaque rencontre. Juste comme ça, pour avoir un repère, les arbitres de Ligue 1, la plupart du temps, sur une rencontre de première division, donc, font une distance à peu près purement physique d'à peu près 10 à 12 km. C'est un vrai effort physique. Plus qu'un joueur ? Les joueurs, à mon avis, qui se rapprochent le plus des arbitres sont ceux qui jouent souvent au milieu de terrain, parce qu'ils se défendent, autant qu'ils essayent peut-être de se projeter vers l'avant. Pour être bien, et disons pour être au niveau physique d'une rencontre, une semaine d'entraînement, c'est à peu près 4 séances, plus le match. Donc, en gros, une semaine type, c'est à peu près 5 rendez-vous sportifs. Donc aujourd'hui, ça va être une séance, grosso modo, de récupération par rapport aux bilans médicaux d'hier, parce que les bilans médicaux, ce sont des moments assez intenses. Comme on évalue la capacité physique maximale de l'arbitre, c'est des séances, ce sont des bilans médicaux où on envoie quand même pas mal de gaz. Voilà. On y va ? Allez, on y va. En avant. On va laisser Benoît Migaud s'entraîner, là. Il est en train de faire des tours de terrain dans sa tenue des sports, short et t-shirt noir. On va le retrouver un petit peu plus tard à Clairefontaine avec tous les autres arbitres pour la formation d'avant-match. Avant certains matchs, des matchs de Ligue 1 par exemple, les arbitres viennent ici, à Clairefontaine, c'est là où nous nous trouvons maintenant. Donc on est en plein milieu de la forêt de Rambouillet, c'est très vert. Il y a aussi des terrains de foot partout évidemment. Et c'est donc ici que les arbitres vont s'entraîner une dernière fois avant la dernière journée de Ligue 1. On se situe à peu près à la mi-mai. Donc là, il y a Pascal Garrigan qui est devant nous, devant le château de Clairefontaine. C'est le directeur technique de l'arbitrage. Bienvenue à Clairefontaine. Merci. Bonjour. Alors, Pascal Garrigan, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui va se passer ce matin ? C'est un atelier athlétique avec Jean-Michel Pratt, le préparateur athlétique des arbitres depuis plusieurs saisons, qui va les mettre en jambes. Vous-même, vous êtes ancien arbitre international ? Oui, moi j'ai... J'étais 15 ans dans le secteur professionnel, 10 ans international. J'ai arrêté ma carrière en 2006, 10 ans déjà, oui. Ça vous manque ? Faut rester lucide, hein. À 55 ans, non. Michel Pratt, Châté. Donc là, on est sur un terrain synthétique. Complètement. Vous avez un chronomètre à la main. Ça veut dire que ça va être intense aujourd'hui ? Non, ça veut dire que je paramètre tous les facteurs de l'entraînement. Donc tout est étudié en amont, le plus possible. Mais le but, c'est toujours pareil, hein, d'augmenter la performance et puis de la maintenir. Et alors, Jean-Michel, vous êtes satisfait ? Ils sont bons, nos arbitres, aujourd'hui, en France ? Pour voir un peu ce qui se passe aussi à l'étranger, je pense qu'on n'est pas forcément les meilleurs. Aujourd'hui, notre groupe est un groupe assez jeune, donc manquant peut-être encore un peu d'expérience par rapport à certains arbitres aguerris du très haut niveau européen qui ont 45 ans, voire plus. Clément qui a intégré le Gotha des arbitres européens. Clément Turpin, bien sûr, et le plus jeune. Mais je peux vous dire que sur le plan athlétique, sur le plan technique, ils n'ont rien envié aux autres. Bien au contraire, je peux vous dire que lors des tests physiques, nos arbitres font partie des meilleurs, si ce n'est les meilleurs. Donc non, on est relativement satisfait de ça. Maintenant, après, il faut laisser le temps au temps. Je dois vous laisser. On y va, les garçons. Engagez le haut du corps, les gars, de suite. Les mouvements du haut du corps, allez! Sur le terrain, là, on voit donc Jean-Michel Pratt, qui est le préparateur physique, qui est habillé en rouge, et tout autour, les arbitres qui fonctionnent par trio, qui sont en maillot de couleurs différentes. Donc on voit par exemple Clément Turpin avec ses deux arbitres assistants, et il y a aussi Benoît Migaud qu'on a rencontré un petit peu plus tôt. Allez, venez par là, les gars! Benoît! Vous allez vous mettre avec ton trio entre les deux coupelles jaunes orientées vers la ligne de but là-bas. Clément, en bleu ici s'il vous plaît. On est parti. On va faire défendre les bleus. Ça joue. Hey. Ça joue. Allez, hey. Vas-y. Enchaîne. 2, 3, 4, 5. C'est les fers, oh là là, la misère. Ouais, on est avec les bleus. Ça joue, 3, c'est les bleus qui défendent. 4, hop, c'est terminé. Vert, donne. Prends, prends, prends, prends, ouais. Ici, là-bas. Jamel Soufflez, récupérez tranquillement. Tu donnes le rouge déjà. Ce que vous essayez de faire, Pascal Garibian, c'est aussi de professionnaliser la fonction d'arbitre. Ce qui est important, c'est que la professionnalisation, c'est le sens de l'histoire de l'arbitrage à l'échelle de ce qui s'est fait en Europe. Ça doit se faire de manière progressive, transitoire, permettre à un groupe d'élite qui va se constituer sur plusieurs saisons, de devenir complètement arbitre avec des rassemblements qui passent de 9 en moyenne pour un arbitre de Ligue 1 à Clairefontaine à 22 pour la saison prochaine, 22 rassemblements, 22 semaines impactées à l'échelle d'une saison. Aujourd'hui, les arbitres perçoivent en tant que travailleurs indépendants un fixe mensuel et puis des revenus en fonction des matchs qu'ils arbitrent. Ceux qui pourront intégrer à notre demande ce groupe élite percevront un revenu minimum moyen de 130 000 euros pour la saison prochaine. Voilà. Pascal Garibian, vous avez donc été arbitre international. Mmh. Vous deviez à ce moment-là poursuivre votre activité temps. À mon époque, nous ne percevions qu'une indemnité de match. Si nous étions désignés en Ligue 1, nous avions 2000 euros. Si nous étions désignés en Ligue 2, nous avions 1000 euros. J'arrondis, hein, voilà. Et parallèlement à ma carrière d'arbitre international, j'étais officier de police, j'étais inspecteur, puis commandant de police à la brigade de protection des mineurs, puis après à la communication, porte-parole de la police nationale. Voilà. Aujourd'hui, donc, il y a plus de formation ici notamment, il y a ce plan de professionnalisation. Mmh. Est-ce que ça veut dire que les arbitres d'aujourd'hui sont meilleurs que ceux de votre époque en moyenne ? Certainement. Non, au-delà de la boutade, le football est de plus en plus rapide et de plus en plus médiatique. Nos grands aînés étaient d'excellents arbitres. Ce qui a varié, c'est l'exigence athlétique. Et ce qui a évolué, c'est la couverture médiatique, avec de plus en plus de caméras. Moi, dans ma carrière, j'ai vu arriver Canal+, j'ai vu arriver tous les matchs de Ligue 1 diffusés. J'ai vu arriver la multiplication des caméras, j'ai vu arriver la loupe, etc., etc. Par contre, je n'ai pas vu arriver, parce que c'était pas encore le temps, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les arbitres sont confrontés aux réseaux sociaux, avec tout ce que ça génère. Par exemple, l'année dernière, des médias ont repris les déclarations soi-disant de Benoît Bastien sur son compte Twitter qui répondait à des supporters, alors que c'était un faux compte, quoi. Heureusement, il l'avait découvert et 6 mois avant, il avait déposé plainte. Mais voilà, ce monde de la communication est difficile parce que quand un arbitre est pris dans un contexte de match, post-match difficile avec une polémique, il y a une résonance qui est beaucoup plus importante qu'à mon époque. Le central à moi. Réaction. Allez, jouez. Allez, Charles, accélère. Hey, ça magnifique de Chéréa qui part, balle au pied, qui cherche un partenaire, qui cherche des appuis. Il a trouvé le petit Diané. Finalement, bien les Marseillais ont trouvé la solution, mais les Marseillais devront méditer leur première mi-temps décevante et surtout ce festival d'occasions manquées par Sana, par Siani, par Grandin, par Biang. 14 minutes dans ce match, 20e journée du championnat de France de Ligue 1, le FC Nantes et Lorient à égalité 0-0. Ce sont les Nantais qui ont le ballon et qui construisent, qui travaillent sur le côté droit. Dans ce monde du foot masculin, où nous n'avons croisé d'ailleurs pour l'instant que des hommes, il y a aussi des femmes. Une arbitre de Ligue 2, par exemple, qui s'appelle Stéphanie Frappard, et puis des universitaires aussi, passionnées par le sport et l'arbitrage. Géraldine Rix en fait partie. Elle est anthropologue à Clermont-Ferrand, et nous l'avons rencontrée dans un café parisien. Qu'est-ce qu'une anthropologue vient faire dans le monde de l'arbitrage ? Je me suis dit, mais quelles sont les compétences de ces personnes-là qui font qu'elles arrivent, la plupart du temps, à orienter l'activité des joueurs, à la gérer, à la manager. Pour moi, c'est vraiment des personnes qui font face à des situations extrêmes, complexes et face à tous. Est-ce que l'apport de technologie dans le football peut être une béquille pour ces arbitres ? Alors, ce que je pense, c'est qu'il faut poser la question de comment on va l'utiliser, cette technologie. Pour moi, si elle doit intervenir, elle doit effectivement intervenir comme une aide à l'arbitre si il en a besoin. Et si lui décide qu'il y a une sorte d'incertitude qu'il ne peut pas lever dans l'instant, et s'il ne peut pas la lever dans l'instant, autant lui donner les éléments complémentaires qui lui permettrait de mieux documenter la situation. Si c'est quelqu'un qui vient dire à la place de l'arbitre, là finalement, on ne sait pas s'il a bien arbitré, et qui vient utiliser la vidéo comme une contre-preuve, là je ne suis pas sûre qu'on aille vraiment dans les valeurs et l'esprit du sport. Si on veut penser que, ou si on tend à penser que la vidéo va dire le vrai absolu, finalement, ça serait la manière de rendre transparent un certain nombre de choses, je pense qu'on se trompe. Mais pourquoi ? Parce que la vidéo, elle est perspective. C'est-à-dire, normalement, une vidéo, si vous voulez avoir une exhaustivité de situation, il va toujours vous manquer un plan. Et là, je pense que les vidéos, notamment dans le milieu sportif, sont construites pour le spectacle. Et ces vidéos qui sont construites pour le spectacle, je ne suis pas sûre qu'on puisse leur faire dire le vrai. Mais ça correspondra, finalement, ce qu'on verra à la télé, à l'arbitrage final. Là, on verra à peu près la même chose, non ? Du coup, pour moi, c'est acheter la paix sociale. Ça veut dire que c'est pas tant le jeu qui se passe sur le terrain qui va être le plus important, qui va devenir le plus important, ça risque d'être l'image. Ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est l'activité effective de l'arbitre sur le terrain. Alors, est-ce que vous pouvez donner un exemple ? Je crois que vous avez des vidéos. Oui, alors on travaille beaucoup sur vidéo. Donc, soit on travaille avec des caméras embarquées, placées vraiment au niveau de la tempe de l'arbitre. Alors, les vidéos, voilà ce que ça donne. Si tu veux revoir les images. Donc là, c'est la vidéo avec le commentaire de l'arbitre par-dessus, c'est ça ? Exactement. Donc là, on voit un terrain de nuit, éclairé. Laisser le son et voir les images extérieures, c'est pas. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit rien. Quand on n'est pas habitué, on voit rien. Et il y a une sorte de, finalement, de perturbation. Parce que quand on regarde un match quotidiennement, les deux équipes changent jamais de côté. C'est très construit de manière télévisuelle. Et en fait, quand on regarde la perspective de l'arbitre, ça tourne dans tous les sens, on cherche le ballon, etc. Et donc, du coup, c'est déjà d'essayer de montrer que si on n'y voit rien, effectivement, on pourrait être beaucoup plus compréhensif. Pas pour dire, voilà, c'est très compliqué. Non, c'est pas c'est très compliqué, mais je construis un regard qui me permettrait d'arbitrer. Et je peux pas arbitrer dans mon fauteuil. L'idée, c'est pas d'accepter tout ce que dit un arbitre. C'est quand même d'essayer juste de comprendre sa perspective et finalement, quelquefois, d'accepter qu'il y a plusieurs perspectives possibles. Allez, venez là, les garçons. Prenez les ballons. Allez, Benjamin. Elias. Allez, garçons, on se regroupe, mettez les ballons sur les côtés. Gardez-en un. Pour l'échauffement, on va se servir de l'espace délimité par les plots jaunes, c'est bon. On fait pour l'instant un 6 contre 5. Pour marquer un point simple, il faut réussir un redoublement de passe. J'ai la balle dans les pieds, je la fais à Jesse. S'il me la remet à moi, on marque un point. Par contre, on n'a pas le droit de refaire le même redoublement de passe tout de suite après. On est obligé de changer sur un troisième joueur. D'accord ? On va travailler sur ça aujourd'hui, les jeux réduits et les redoublements de passe. C'est bon ? Allez, récupérez une balle. Ok, 4-3. 4-4. Nous sommes maintenant à Meaux, en région Île-de-France. Sur le terrain, aujourd'hui, il y a un coach et une quinzaine de joueurs. Et dans ces joueurs, il y a des arbitres qui s'entraînent. Donc, ce sont des jeunes qui sont au lycée, donc qui ont à peu près 16-17 ans, et qui s'entraînent ensemble. Le lycée Pierre de Coubertin à Meaux, c'est un des établissements scolaires en France qui forme dans ses sections sportives les joueurs aux côtés des arbitres pour que les deux corps puissent mieux se comprendre. 7-4. Lâche après ton premier dribble, Ilias. T'avais fait le plus dur à chaque fois. 7-5. Premier à 10, on change. Je m'appelle Sofiane Boicaz, j'ai 16 ans, je suis né le 10 novembre 1999. Je suis à la section Pierre de Coubertin, football en filière arbitrage. Donc en fait, c'est ce qui me permet d'allier les études, qui sont primordiales pour mon futur et pour avoir un métier, pour pouvoir gagner ma vie plus tard, et ma passion qui est le foot et en particulier l'arbitrage. Donc je peux les lier les deux tout en étant dans le plan scolaire et dans un plan éducatif très intéressant. Et pourquoi l'arbitrage alors ? Avant, je jouais au football en fait, et puis je voyais que pour moi, il y avait plus de... Je pense, comme tout enfant, quand j'étais petit, je rêvais d'être footballeur. Après, arrivé à 12-13 ans, j'ai commencé à me dire, bon, j'ai vu que ceux qui allaient finir footballeur ou qui étaient vraiment bons, ils avaient déjà décelé un talent. Moi, j'étais un bon joueur, mais pas exceptionnel. J'ai fait la formation initiale à l'arbitrage pour devenir arbitre officiel. Ça m'a vraiment plu et je suis épanoui. Vous avez un modèle en arbitre ? Bah, il y a plein de bons arbitres. Après, je pense que le modèle de tous les arbitres, c'est Colina, qui est l'un des arbitres les plus célèbres de tous les temps. Donc, c'était par son autorité, mais par sa pédagogie avec les joueurs, il fait vraiment rêver tous les arbitres, je pense. Colina, alors pour ceux qui connaissent pas bien le foot, ils peuvent s'en souvenir parce que c'est un homme qui arbitrait, qui a le crâne rasé. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte d'être formé arbitre et joueur côte à côte, comme ici dans le lycée? Bah, ça nous permet en fait de vivre tous les jours avec les joueurs. Par exemple, à l'internat, je suis dans la chambre des joueurs. Toute la journée, on est ensemble. Donc, ça leur permet vraiment d'avoir un autre point de vue de nous, les arbitres. Et ils voient à quel point la fonction d'arbitre, elle est difficile. Donc, je pense que ça leur permet, et eux, de comprendre notre fonction, et nous, de voir leur point de vue aussi. Donc, je pense qu'ils sont beaucoup plus ouverts maintenant, et puis quand il y a leur coéquipier ou quelque chose comme ça dans leur équipe le week-end dans leur club qui discute avec un arbitre, je pense qu'ils le recadrent. Est-ce que tu connais quelqu'un là qui est un joueur qui est là sur le terrain en ce moment et qui a beaucoup évolué dans sa façon de voir les arbitres? Ouais, il y a Ilias là. Il est où, Ilias? Il est parti chercher le ballon là-bas. Bah, avant, quand on est arrivé le premier jour, on est rentré en seconde ensemble, donc il en a plus que moi puisqu'il est redoublant, mais ça change pas grand-chose. L'année dernière en seconde, je m'en rappellerai toujours, il me dit oh, les arbitres, nous, je les aime pas, moi je leur parle mal. Et puis depuis qu'on est à la section, dès qu'on est rentré à, ça fait 2 ans qu'on vit ensemble, bah, son comportement sur le terrain envers nous et tout, il a complètement changé. C'est plus la même personne avec les arbitres. Ah ouais, je criais sur les arbitres parce qu'ils m'énervaient. Je suis un joueur, j'aime bien mettre des coups, donc à chaque fois ils me rappelaient à l'ordre, et donc ça m'énervait. Mais attends, j'ai compris. Je comprends pourquoi ils font ça, c'est pour protéger aussi l'adversaire. Pas forcément pour nous pénaliser nous, mais c'est pour que le match se passe bien. C'est indispensable, ça évite, des fois ça évite de prendre des coups, ils servent beaucoup. Elias, vous aimeriez être arbitre, vous? Non, je préfère jouer sur le terrain. Quand même pas. Je laisse être arbitre, mais je préfère jouer sur le terrain. Il aime trop le ballon, il lâche pas son ballon pour être arbitre. Quand le ballon il va passer devant lui, il va vouloir le tirer. C'est bien joué Pedro, mais t'as été trop vite. T'étais en avance sur le ballon. Une voix discordante un peu maintenant, on va rencontrer un ancien arbitre aussi, comme Pascal Garibian d'ailleurs, qui s'appelle Bruno Derrien, qui a été arbitre international pendant 27 ans, et qui lui a une vision en général assez critique de l'arbitrage, de la façon dont ça a été conçu ces dernières années. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « À bas l'arbitre » qui a été publié il y a quelques années. Il nous a donné rendez-vous au Stade Charletti. Vous en pensez quoi du niveau de nos arbitres français aujourd'hui ? Ah, bah, l'arbitrage français est en pleine reconstruction. D'abord, il faut se féliciter qu'on ait un arbitre français à la Coupe du Monde, enfin au Championnat d'Europe, pardon, en France. On l'organise. Ça n'aurait pas été top qu'on ne soit pas représenté, quand même. On l'organise, donc. Sachant qu'en 2014, au Brésil, on était absent. Sachant que depuis 2001, je dis bien 2001, il n'y a pas un arbitre français qui a dirigé une finale de Coupe d'Europe. Et sachant que le dernier arbitre français à avoir dirigé une finale de la Ligue des Champions, c'est 1986, Michel Vautreau. Donc ça remonte à très loin. Hein. Voilà, félicitons-nous qu'il y ait un arbitre français. On a besoin d'une locomotive, on a besoin d'être représenté dans les grandes compétitions internationales, mais force est de constater qu'on a beaucoup de retard. Puis c'est comme les générations de l'équipe de France, il y a des générations qui sont plus fortes que d'autres. Alors, moi, je ne veux pas dire passer jouer aux vieux combattants, aux anciens combattants, mais de mon époque, on avait des arbitres qui avaient de vraies personnalités. Reconnus. Je pense à Alain Sars, je pense à Gilles Vessière, je pense à Claude Colombo, des gens qui avaient une personnalité sur le terrain, reconnus à l'extérieur. Après, il y avait un creux. Entre 2006, je dirais, et 2016, pendant 10 ans. Quoi. Bon, voilà. Il n'y avait pas d'arbitre qui crevait l'écran, quoi, qui s'imposait par son charisme. C'est aussi un problème de formation, sans doute, probablement, qui nous a amené là où nous sommes aujourd'hui. Voilà. J'ai le sentiment, moi, que la direction de l'arbitrage, pendant quelques années, a aseptisé les personnalités. Un bon arbitre, c'est un arbitre qui exprime son libre arbitre. On dit Colina, il y a la règle, il y a le règlement, mais il y a l'esprit, la lettre. Vous voyez, quelqu'un qui impose son autorité sans en mettre des cartons systématiquement, qui est une autorité naturelle. Tout ça a été sanctionné à un moment donné. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait peut-être là-dedans un problème de formation. Alors là, on entre dans une phase où il y a un plan qui va se mettre en place, un plan de professionnalisation des arbitres. Bon, écoutez, moi, je suis contre. Enfin, si j'avais eu le choix, moi, j'ai toujours opté pour le semi-professionnalisme. Ils consacrent 50% de leur temps à leur sport et 50% à leur job. En plus, on leur propose une reconversion au terme de leur carrière. À mon avis, c'était la situation idéale. J'ai toujours pensé que penser foot, penser arbitrage toute la journée n'était pas pour moi la meilleure solution pour préparer ces matchs. Aujourd'hui, ils vont se consacrer pleinement à l'arbitrage. Ils feront que ça, mais ça va poser des questions. Qu'est-ce qu'ils deviennent après? Les contrats vont durer combien d'années? Pour ceux qui ont un emploi aujourd'hui, vont-ils pouvoir le quitter pour l'arbitrage, sachant que c'est une situation assez aléatoire? Certes, ils seront formés, ils auront plus de temps pour se réunir, pour se consacrer pleinement à leur mission. Je crois qu'ils seront réunis plusieurs semaines par an à Clairefontaine. Ok, mais au final, il y aura toujours des polémiques d'arbitrage. Parce que les arbitres sont professionnels, il n'y aura plus de polémiques. On se met le doigt dans l'œil. Avec le respect que moi-même je vous dois aussi, monsieur me conteste alors qu'il n'est même pas sur la feuille de match. Et là-bas, ils sont combien, monsieur l'arbitre? Avec tout le respect que je vous dois, monsieur l'arbitre. Ils sont combien là-bas? Reportage donc de Julie Pietri de Radio France, prise de son Benjamin Chauvin, Tanguy Lecorneau, mixage d'Éric Boisset. Les terrasses francophones reviennent dimanche prochain à partir de 10h avec une invitation au voyage. Excellent dimanche sur la première. Là, derrière nos voix, est-ce que l'on voit nos cœurs et les tourments à l'intérieur ou seulement rejoignez la page Facebook officielle de La Première pour commenter l'actualité et réagir à nos programmes. Voltaren est un médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les genoux. On se couche sur la plage et on se lève une fois pour les enfants. Ils veulent de l'eau dans le petit seau et on se recouche et on se relève. Ben oui, il faut leur mettre de la crème, allez. Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren et Mulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Salto dans la piscine, wow. Ou mojito au bord de la piscine, ah. Lâchez-vous, Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez vite votre last minute. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, but. Voici l'affrontement ultime, la finale de l'UEFA Euro 2016. Deux nations, un seul vainqueur. Portugal, France, à suivre dimanche soir sur la Une, Vivacité et rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Bon dimanche, il est 11h. Rislen Kounda avec vous, bonjour. Et d'abord, cet incendie qui s'est déclaré hier en fin de soirée dans une habitation de Jemeppe-sur-Meuse, dans l'entité de Serein. Les pompiers de Liège sont intervenus, mais ils ont dû retourner sur les lieux ce matin. Une personne a été hospitalisée, mais ses jours ne sont pas en danger. Les dégâts matériels sont importants, on ne connaît pas l'origine du sinistre. Cette visite, suffisamment rare pour être soulignée, le chef de la diplomatie égyptienne se rend aujourd'hui en Israël. Il va rencontrer le premier ministre Benjamin Netanyahou. Ensemble, ils devraient parler de la reprise des négociations israélo-palestiniennes. Le ministre égyptien s'était rendu à Ramallah en juin dernier pour y rencontrer des responsables palestiniens. En Syrie, les combats font rage pour garder le contrôle d'un axe stratégique de la ville d'Alep, dans le nord du pays. Au moins 29 rebelles syriens ont été tués la nuit dernière lors d'affrontements avec les troupes du régime. Et puis le calme n'est toujours pas revenu au Soudan du Sud. Des tirs ont à nouveau retenti ce matin autour de Juba, la capitale, où des affrontements entre partisans du président Salva Kiir et de l'ancien chef rebelle Riek Machar ont fait 272 morts vendredi, un bilan revu à la hausse ce matin. Barack Obama a écourté sa visite en Europe pour se rendre à Dallas, au Texas, après une semaine de violence aux États-Unis, avec la mort notamment de 5 policiers tués par un ancien réserviste noir et aussi le meurtre de 2 noirs par la police. Le président américain a promis hier d'essayer de trouver les moyens d'apaiser les tensions raciales pendant le temps qui lui reste à ce poste. On joue au foot ce soir avec la finale de l'Euro 2016, Portugal-France, au cas où vous ne le sauriez pas. Et le coup d'envoi sera donné à 21h au Stade de France. Un match à suivre sur tous les médias de la RTBF. Mais il n'y a pas que du foot qui se joue dans un stade. Hier soir, par exemple, un concert un peu particulier a été donné au Stade de Francfort, en Allemagne. Particulier parce que l'orchestre comptait pas moins de 7500 musiciens venus des pays voisins. Ils ont joué des extraits de symphonie de Dvorak ou de Beethoven. L'orchestre géant a ainsi battu le précédent record du livre Guinness en nombre de musiciens. Et puis c'est aussi bientôt les JO d'athlétisme du 5 au 21 août à Rio au Brésil. Une seule athlète russe y participera. Il s'agit de Daria Klichina au saut en longueur. Une décision de la Fédération internationale d'athlétisme suite au scandale de dopage. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Belle fin de matinée à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. Bonjour et chacune à chacun d'entre vous, au micro Myriam Tonus. Je suis très